19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Ce que le magazine d'archéologie de France Culture vous propose ce soir, c'est une aventure, une épopée, l'histoire fromagère de la Gaule, celle-là même qui fait aujourd'hui de la France le pays aux 258 fromages, peut-être aussi ingouvernable qu'aurait pu l'être l'ensemble des tribus gauloises. On se souvient de l'expression choc de Monsieur Sylvestre dans les guignols de l'info, le pays des fromages qui puent. Pour autant, la France ne connaît rien de son antiquité fromagère, hormis peut-être quelques noms de saints, comme Nectaire, Marcelin, Félicien, Paulin ou Sainte-Maure de Touraine, laissant présager un lointain Moyen-Âge. Pour en savoir plus, il nous faudra remonter bien plus tôt, aux origines des premières sociétés agro-pastorales, explorer les fouilles, mais aussi la génétique et les biosciences, avec Alain Ferdière. Bonsoir. Bonsoir. Professeur émérite d'histoire ancienne et d'archéologie à l'Université de Tours. Alain Ferdière, vous œuvrez toujours dans le laboratoire archéologie et territoire, l'UMR CITER. Vous venez surtout de publier Le fromage en Gaule chez Biblis Inédit, CNRS Édition. Alain Ferdière, le fromage, on peut en obtenir à partir de quantités d'herbivores, peut-être hormis le dromadaire ? Oui, le dromadaire et quelques autres, mais ceux qui ont été utilisés sont évidemment la vache, la brebis et la chèvre, essentiellement dans nos régions, qui sont les régions privilégiées pour le fromage, finalement, dans le monde entier. Vous oubliez le yak et le cheval. Le yak et le cheval, effectivement, en Asie. Mais on produit plutôt avec le cheval des sortes de yaourts et de lait aigri qui ne sont pas strictement du fromage. L'étymologie de fromage vous paraît intéressante. Pourquoi ? Eh bien, parce que en français, ça dérive de formagium, qui veut dire en fait la chose qu'on fait dans une forma, c'est-à-dire un moule. Alors que dans beaucoup de langues européennes, le mot dérive du latin caseus, qui veut dire fromage, alors que dans d'autres langues, c'est cette racine sur la forma qui est prise, comme en italien par exemple aussi. Donc nous, le fromage représenterait un moule, donc une technique. Voilà, c'est la technique qui consiste à verser le lait caillé dans un moule, qu'on appelle parfois aussi faisselle, parce que c'est la même chose, parce que ça permet d'égoutter le lait caillé, mais aussi de lui donner une forme, d'où le nom de forme. La naissance de l'élevage est une chose, celle d'une production secondaire liée au lait en est bien sûr une autre, elle est forcément plus tardive. Elle est plus tardive que l'arrivée de l'élevage. De l'élevage qui effectivement apparaît dès le début de l'époque néolithique, de la révolution néolithique, ce qu'on appelle ainsi, parce que c'est en fait le fait qu'on a immédiatement constaté qu'on pouvait utiliser les animaux pour produire du lait. Et c'est vraiment d'ailleurs surtout pour ça qu'on les a domestiqués avant d'utiliser leur viande. Donc, restent les datations. Partons au Proche-Orient peut-être, où les premiers produits laitiers pourraient dater d'il y a quoi, 10 000 ans, 8 000 ans, quelque chose comme ça ? Oui, c'est vraiment le début du néolithique. Donc, c'est effectivement 8 000, environ 8 000 avant notre ère. Et donc, c'est à ce moment-là que tout apparaît, l'élevage, mais pratiquement en même temps, l'exploitation du lait et vraisemblablement presque tout de suite après, la production de fromage, qui est un moyen de conserver ce lait un peu plus de 24 heures. Le lait et ses dérivés, n'est-ce pas la création du nomadisme pastoral, la transhumance, la création de bergeries, par exemple? Alors ces bergeries apparaissent évidemment un peu plus tard, quand les gens sont stabilisés. Mais on a, dès le néolithique ancien, des maisons qui sont mixtes, en fait, qui sont à la fois des bergeries et des maisons. Et comme ça existe d'ailleurs dans les sociétés germaniques jusqu'au début du Moyen-Âge, des maisons étables qui sont partagées entre les hommes et les animaux. Et pour le néolithique, on connaît nombre de petits abris sous roche aussi, où visiblement les hommes et les chèvres se sont abrités, c'est ça ? Oui, effectivement, ce sont souvent des abris de fondés. Alors c'était évidemment en pleine campagne, en général même en dehors des sites de fermes eux-mêmes, même néolithiques. Et donc c'est souvent des abris de fortune, notamment dans les régions des Alpes et des Pyrénées, les régions montagneuses. Alors, un des plus bels exemples de bergerie pour la période antique, n'est-ce pas justement près de Arles, les bergeries de la Croix ? Ça, c'est une très belle étude, je trouve. Alors ça, c'est effectivement nettement plus tard, puisqu'on est à l'époque romaine, mais une période où on a des textes qui mentionnent des transhumances entre les Alpes et les contreforts des Alpes et cette plaine de la Croix, et très vraisemblablement liée évidemment à la production de lait, mais aussi de laine, puisque ce sont essentiellement des brebis. Et donc, à partir du moment où on fabrique du lait, automatiquement on arrive au fromage. Alors ce qui est intéressant, c'est que visiblement dans cette région-là, on ne peut pas cultiver. C'est vraiment des terrains qui sont très propices justement à des bergeries. Des cailloux avec un peu d'herbe pour les moutons, mais seuls les moutons s'en satisfont. Et alors ce qui est très beau, c'est ces bâtiments qui sont des sortes de longs bâtiments oblongs en pierre. Pratiquement en aviforme et en plus orientés au vent dominant. La pointe vers le vent dominant pour ne pas être arraché sur ce plateau qui est très venteux de la Croix. Durant l'Antiquité, fait-on des fromages en milieu urbain aussi, par exemple ? Il semblerait que dans l'Antiquité, oui. On en fabrique en milieu urbain, c'est-à-dire que les grands propriétaires fonciers qui ont souvent une maison en ville font entrer le lait et éventuellement fabriquent seulement le fromage en ville. Mais en tout cas, l'affinage et le fumage, qui est un des principaux affinages qui se fait dans l'Antiquité, est lui un phénomène assez urbain. Alors j'ai lu aussi que dans les centres-villes, on évitait ça à cause des odeurs. Voilà, oui, il y en a un texte qui parle d'un procès qui a été fait à ceux qui fumaient le fromage, parce qu'effectivement, ça indisposait le voisinage. Alors ça se trouve en Palestine, c'est ça, hein ? Oui. Et visiblement, les producteurs de sources de poissons aussi sont interdits. Voilà, il se passe dans le même interdit. Parce que ça, c'est des odeurs qui sont effectivement un peu nauséabondes en cours de fabrication. Pour les archéologues, le meilleur exemple de cette production de lait, n'est-ce pas surtout visible au travers des courbes d'abattage des animaux ? Pour bien montrer donc qu'on garde ces animaux pour le lait et non pas pour leur viande. C'est très difficile à mettre en évidence par ce qu'on appelle l'archéozoologie, c'est-à-dire l'étude des ossements animaux découverts en fouilles archéologiques. Et alors, effectivement, un des moyens est de voir les courbes d'abattage, parce qu'évidemment, si on veut utiliser les femelles pour le lait, il ne faut pas les abattre quand elles atteignent leur optimum pondéral juste au début de l'âge adulte, et les garder plus longtemps tant qu'elles sont productrices de lait. Et donc, ces courbes d'abattage le permettent. Mais c'est surtout quand même la mise en évidence de jeunes abattus, effectivement, assez nombreux et assez jeunes, qui permettent de mettre en évidence l'utilisation du lait, enfin, l'exploitation du lait, parce que, effectivement, si on veut garder du lait, il faut qu'il y ait moins de jeunes qui le consomment. La consommation des laitages est indissociable de la question de la tolérance du lactose. Nous avons acquis génétiquement une bactérie qui nous permet de consommer justement adultes ces produits lactés. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important qui a d'ailleurs été mis en lumière par le généticien Cavalli Sforza, c'est ça, hein ? Qui a été mis en évidence assez récemment d'ailleurs, il y a deux décennies environ, et qui est d'ailleurs assez particulier au nord-ouest de l'Europe, où on développe très tôt cette enzyme qui permet la digestion du lait, la digestion du lactose, par la présence de cette enzyme qu'on appelle la lactase, justement, dans ces populations, dès le néolithique et en tout cas au moins l'âge du bronze, c'est-à-dire presque dès le début de l'exploitation du lait. Cette acquisition, elle serait née d'une population, on va dire, on dit souvent assez nordique, et ensuite diffusée à une grande partie du monde ? Pas une si grande partie du monde que ça, parce que finalement, les populations actuelles, en dehors des brassages ethniques qui sont évidemment de plus en plus nombreux, y compris entre continents, sont rares à pouvoir digérer correctement le lactose. Si bien que, par exemple, toutes les populations amérindiennes ne le digèrent pas. Une grande partie de l'Asie du Sud-Est en tout cas, ainsi que l'Océanie, ne digère absolument pas le lactose et on ne parle absolument pas de laitage ni de fromage. Venons-en au fromage. Pour l'obtenir, il faut passer par le caillage. Or, celui-ci peut s'opérer naturellement. Peut-on penser que l'invention du fromage n'ait été que le fruit du hasard ? C'est quand même, c'est une paraphrase. Comme beaucoup de découvertes qu'on appelle aujourd'hui scientifiques, qui sont faites empiriques, comme toujours, le savoir est empirique dans l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge, pratiquement. Et c'est en fait qu'on a constaté que quand on ouvrait le ventre des jeunes agneaux ou des chevreaux, eh bien, on trouvait le lait de la mère caillé. Si bien que on s'est aperçu que si on mélangeait les morceaux de cet estomac, qui s'appelle d'ailleurs la caillette, un des quatre estomacs de ces ruminants, le dernier, celui qui a un vrai estomac, eh bien, on pouvait faire cailler le lait simplement par des morceaux de cet estomac mis avec du lait. Et vous citez un exemple qui se pratique encore en Sardaigne. En Sardaigne, où il y a une coutume assez curieuse, qui donne un fromage que je n'ai pas eu l'occasion de goûter, mais que je goûterai volontiers, qui est un peu particulière, c'est-à-dire que on abat les agneaux, on récupère l'estomac avec du lait dedans, caillé, et on laisse sécher ça au soleil, en le suspendant sur des murs. Et une fois que c'est bien sec, on le consomme tel quel, c'est-à-dire que c'est du fromage naturel qui n'a pas été caillé artificiellement par l'homme. Pour confirmer la présence de fromage, les archéologues se doivent de rechercher une étonnante céramique, percée de multiples petits trous, et qui pour vous est un excellent indice de la présence du fromage à la ferrière ? À condition de ne pas la confondre avec les passoires, mais on est arrivé à différencier les types de vases pour l'un et pour l'autre, entre autres vases à trous. Et donc ces faisselles, malheureusement pour les archéologues, sont la plupart du temps en matériaux périssables, c'est-à-dire en vannerie, d'osier, de saules, etc. Alors que, heureusement pour les archéologues qui travaillent sur la Gaule, les Gaulois puis les Gallo-Romains ont utilisé des faisselles dans certaines régions en terre cuite, qui elles se conservent très bien et qui nous permettent de reconnaître des régions de production de fromage de telle manière qu'on s'aperçoit qu'en fait on devait en produire à peu près partout. Bien qu'il y ait des régions où on ne trouve pas ces faisselles en terre cuite, mais on peut avoir à ce moment-là des textes ou d'autres indices qui permettent de voir que c'est d'une production universelle. Quelle est la répartition de ces faisselles dans la Gaule de l'âge du fer et puis bien sûr de l'époque romaine ? Alors, les éléments sont ténus quand même. Hein. Oui, on n'a pas de très gros corpus. On a quelques centaines de vases ou de fragments de vases de ce type bien caractéristique qui sont connus d'un côté pour l'âge du fer et de l'autre côté pour l'époque gallo-romaine. Un peu plus pour l'époque romaine, effectivement en Gaule. Et les régions où on en trouve, certaines sont les mêmes pour les deux périodes et d'autres sont différentes. Mais on a des régions où on n'en trouve jamais, ni à une période ni à l'autre. Par exemple, dans le sud-ouest, on n'en trouve pratiquement jamais, on en trouve assez peu. En Bretagne non plus. Alors qu'on produisait certainement du fromage dans ces régions-là, mais on n'en trouve pas les traces archéologiques. Est-ce qu'on ne produisait pas plutôt du beurre ? Alors, on pouvait produire du beurre, mais le beurre n'est pas apparemment très apprécié dans l'Antiquité. Il devait l'être un peu plus, peut-être justement dans les régions du nord de la Gaule, qui est un peu barbare pour les vrais Romains, parce que c'est un produit qui est considéré comme effectivement barbare pour les vrais Romains et les gens de l'Antiquité classique méditerranéenne, qui est en fait utilisé essentiellement par les personnes de l'Antiquité, les Grecs ou les Romains, pour la médecine. C'est-à-dire que le fromage a les propriétés médicinales. Le fromage et le beurre. Je regardais votre carte donc de la répartition de ces céramiques à trous, les faisselles donc en France ou du moins durant la Gaule gallo-romaine. On a beaucoup de choses autour de Paris, autour de Reims, sur la frontière entre Allemagne, Belgique et Suisse. Tout ça est quand même extrêmement réparti dans cette sphère-là. Oui, effectivement, c'est vraiment le nord de la Gaule, si bien qu'on a supposé, parce que cette répartition n'a pas de cohérence très facile à expliquer, que ça pouvait correspondre éventuellement à des fromages plutôt de vaches, alors que les Méditerranéens sont plus enclins à faire du fromage à partir du lait de brebis ou de chèvre. Quand on est dans les régions plus nord-occidentales de l'Europe, on est plus porté vers les fromages à base de lait de vache. En tout cas, la carte que je regardais n'a absolument rien à voir avec la carte fromagère de la France aujourd'hui. Non, effectivement, on n'a pas grand-chose à voir. Et même les quelques filations qu'on croirait pouvoir dire sont en fait souvent un peu artificielles et tiré pour des raisons de publicité par les appellations actuelles du fromage. Alors, vous dressez bien sûr la liste de tous les sites possédant ces fameuses faisselles. Le site le plus probant serait dans les Ardennes, sur le site de Tannion et daterait du 6e, 5e siècle, c'est bien ça? Comment se présente ce site? Eh ben, là, c'est un site, en fait, un site rural du premier âge du fer. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, justement, entre les faisselles qu'on a pour l'âge du fer et celles qu'on a pour l'époque romaine, il y a un trou d'un siècle et demi à peu près, au deuxième, premier siècle avant Jésus-Christ, où on trouve très, très peu de faisselles qui réapparaissent seulement au premier siècle après Jésus-Christ avec l'époque romaine. Alors, vous me disiez que beaucoup de ces faisselles pouvaient être en matériaux organiques, donc perdus aujourd'hui. En revanche, on les retrouve dans les fresques de Pompéi. On les retrouve assez abondamment dans les fresques de Pompéi, parce que les peintres qui œuvrent pour ces décors muraux utilisent souvent les représentations de la nature morte, avec des mets à consommer, et notamment des petites corbeilles, qui sont en fait des faisselles, pleines de fromage frais, qui sont représentées sur une bonne demi-douzaine, sinon plus, de peintures à Pompéi et dans toute l'ère vésuvienne. Il y a environ 5000 ans, le 33e siècle avant notre ère, pour être extrêmement précis, en Grèce, un texte dans une drôle d'écriture, le linéaire B, mentionne des fromages. Et même avec beaucoup de détails, puisqu'il indique plusieurs variétés de fromages. Des variétés d'ailleurs qui sont très nombreuses aussi dans un texte bien plus ancien, puisqu'il est sumérien, en cunéiforme, qui indique également des dizaines et des dizaines de variétés de fromages dès cette époque-là. Peut-être pas les 352 de Charles de Gaulle. Et on sait quel type de fromage? Des pâtes molles, des pâtes dures? Il y a des détails justement, et là on précise, contrairement à beaucoup de textes antiques, on précise s'il s'agit de brebis ou de chèvres, beaucoup plus rarement déjà de vaches. Et puis, il y a 1400 ans plus tard, on découvre sur l'île de Santorin un fromage. Oui, et là il a été conservé par l'éruption du Santorin, effectivement, c'est-à-dire qu'il a brûlé, comme plus tard à Pompéi avec l'éruption du Vésuve. Et que c'est pour, évidemment, ces incendies sont un bonheur pour les archéologues, puisqu'on trouve des pains et en l'occurrence justement des fromages qui sont conservés et qu'on peut identifier. On a trouvé aussi à Pompéi les pains, ça je sais, mais les fromages. Il y a un morceau de fromage à Pompéi, mais pas beaucoup plus, juste un. En tout cas, il existe aussi des terres cuites figurant un véritable fromage dans un sanctuaire grec en Calabre, la Grande Grèce bien sûr, en Italie. Oui, il est très beau. Sanctuaire, il est vraiment ce fromage, cette représentation, c'est vraiment très réaliste parce que on a des impressions dessus qui sont en fait celles de la vannerie utilisée en faisselle, Et c'est exactement les mêmes empreintes qu'on a sur les fromages actuels fabriqués en Calabre, qui sont des fromages de brebis en l'occurrence. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Alain Ferdière, le beurre aurait laissé bien moins de traces que le fromage, hormis au travers de quelques petits batteurs en bois? Oui, donc ça, le beurre, effectivement, on n'a pas de traces archéologiques, on aurait du mal à en trouver. Sinon, c'est possible batteur, mais ces batteurs peuvent aussi servir simplement à mélanger des soupes et des mélanges alimentaires. On n'a pas de certitude, il faudrait des analyses de traces, à condition que ces traces soient conservées, imprégnées dans ces outils pour être sûr que ça a servi à fabriquer du beurre. Alors ce sont d'étranges petites tiges. Je sais que Pierre Pétroquin, sur le lac de Chalin, en a trouvé pour le troisième et le deuxième millénaire avant notre ère. Comment pourriez-vous les décrire? Ce sont une sorte de tiges avec des petites éléments. C'est des éléments. Tiges qui sont prises à un endroit où partent des petites branches qui sont coupées et qui forment une espèce de petite rouelle en quelque sorte. Que l'on agite entre les mains comme on le ferait pour un cocktail, pour mélanger un liquide certainement, mais donc sans certitude pour le lait, pour en faire du beurre. Possède-t-on des boîtes à fromage, celles faites en éclisse de bois à l'image, bien sûr, de nos boîtes de camembert? Alors certes, c'est une découverte aussi relativement récente, qui a été faite sur le célèbre site de Hallstatt, qui est le site éponyme du premier âge du fer qui se trouve sur les mines de sel exploitées à cette époque en Autriche, où on a trouvé entre autres mobilier de bois conservé dans un milieu humide, des petites boîtes en éclisse de bois, c'est-à-dire en un peu fine lame de bois, dont un a été analysé au moins, et qui a donné des traces d'un produit certainement à base de lait et très vraisemblablement un fromage. Alors, elle est plutôt oblongue, c'est pas exactement un camembert, mais c'est plutôt un caprice des dieux de point de vue de la forme. Je crois aussi que l'on a découvert des moules qui auraient été jetés en offrande en France. Alors, on les a pas découverts, mais ils sont signalés par un texte du célèbre Grégoire de Tours à propos d'une population qui vivait dans le sud du Massif central, les Gabales, et qui jetait l'occasion d'une fête annuelle dans un lac sacré des moules à fromage et des moules à miel. Donc les fromages rentrent dans les rituels? Absolument, et ça on l'a aussi d'ailleurs par des textes et des représentations. Des inscriptions, pardon, en Grèce. Ça rentre dans beaucoup de rituels et de fêtes religieuses en Grèce et à Rome. Tentons une géographie des fromages. La Grèce est réputée. Certes, le fromage a bien sûr une place très importante en Méditerranée. Il s'oppose d'ailleurs même aux sociétés qui consomment le lait. Oui, parce que, effectivement, c'est déjà pour le transporter, c'est beaucoup plus facile de transporter, et parce que ne serait-ce que pour la durée de conservation, de transporter du fromage que du lait, et on fait sécher le fromage à ce moment-là pour le commerce. À partir du moment où le fromage est fait l'objet d'un commerce, c'est en général du fromage sec, sauf quand il est produit dans la campagne immédiatement alentour des villes. Et on a donc notamment des îles des Cyclades qui sont très renommées pour leur production fromagère, dont celle de Kytnos. En Gaule, il faut surtout en appeler à Caton, Varron, Columel, Pline, bien sûr. Alors tous ces agronomes et Pline l'Ancien avec eux, qui est plutôt un naturaliste généraliste qu'un agronome au sens strict, donne énormément de détails sur l'élevage des ruminants laitiers, sur la production de lait et sur la production de fromage, pour Pline l'Ancien, en détaillant un certain nombre de fromages renommés qui sont consommés sur les tables romaines. Alors il décrit par exemple le fromage de Nîmes, c'est bien ça? Fromage de Nîmes ou aussi des Gabales, enfin disons des Cévennes, et de Gévaudan. Lozère, Gévaudan, les Alpes, il précise que certains fromages gaulois ont le goût de médicaments. Oui, alors on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire par là, mais de toute façon, il y a quand même beaucoup de fromages qui sont appréciés sur la table de Rome, peut-être pas tous, mais quand même En tout cas, bonne série. Pas par Martial, qui n'aime pas le fromage de Toulouse et qui est peut-être carré, lui. C'est ça? Oui. Effectivement, Martial donne des détails sur certains fromages, mais il n'aime pas beaucoup apparemment ceux qui viennent de Gaule, il préfère ceux d'Italie. En tout cas, les produits laitiers, c'est bien sûr bon pour la santé. Quoi qu'il en soit, au moins un empereur meurt de la consommation d'un fromage avarié? Récemment, oui, quelque chose comme un fromage contenant une bactérie nocive. Et récemment, un fromage de vache, d'ailleurs, puisque ça se passe dans son séjour dans les Alpes. Et donc, il en meurt après avoir consommé, effectivement, une assez grosse quantité quand même de fromage. Non pas d'une indigestion, mais plutôt récemment d'une indisposition due à cette bactérie. Et certains habitants d'Herculanum, décédés bien sûr sous les cendres, étaient frappés, eux, de brucelliose? Oui, ça a été identifié également assez récemment, à partir des squelettes trouvés enfouis dans les cendres du Vésuve, donc en 79 après Jésus-Christ. Ça, c'est une vraie découverte. Oui. Oui, parce que là, on a pu identifier aussi bien par l'étude de leurs ossements, leur consommation quotidienne, mais aussi parfois même le contenu de leur estomac. Que doivent nos fromages à l'Antiquité? Le reblochon est-il le descendant du vasticicus? Les moules à fromage, donc jetés en offrande au VIe siècle, contenaient-ils du Cantal? Le fromage de Nîmes mentionné par Pline est-il un vrai ou un faux fromage des Baux? Alors là, on n'a strictement aucune certitude, parce que on a une coupure trop importante dans la documentation textuelle, qui serait la seule à pouvoir assurer une filiation, puisque il faut attendre ensuite la deuxième moitié du Moyen-Âge pour trouver des textes qui sont un peu explicites sur les variétés de fromage. Et donc, on a pratiquement un millénaire quand même où on a un vide de documentation, si bien que les revendications de filiation sont souvent plus publicitaires qu'autre chose. Alain Ferdière, juste pour conclure, racontez-nous l'histoire de Charlemagne et du Roquefort. Alors, cette histoire est justement représentative de ce que je viens de dire, puisque là, on prétend que Charlemagne aurait apprécié, offert par un évêque, un fromage qui serait l'ancêtre du Roquefort. Or, on parle d'un fromage bleu, ce qu'on appelle les fromages bleus, dont fait partie évidemment le Roquefort, mais on n'a aucune certitude pour dire qu'il s'agit réellement du Roquefort, d'autant que on n'a pas la localisation de cet évêque dans le texte qui nous parle de ça. En tout cas, donc Charlemagne n'aurait mangé que le blanc avant qu'on lui conseille de goûter le bleu. Alain Ferdière, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Le fromage en Gaule, paru chez Biblis CNRS Édition. Carbone 14 était réalisé par Louise André, à la technique Olivier Dupré, et bien sûr avec le concours de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.